Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'élection de François Mitterrand en mai 1981. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national. Merci. François Mitterrand, le soir de son élection, le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République française permet non seulement à la gauche de retrouver le pouvoir après en avoir été écarté pendant de très nombreuses années, mais elle révèle aussi la profonde envie de renouveau et de changement d'une large partie de l'électorat de l'époque. Aujourd'hui encore, l'élection de François Mitterrand en 1981 reste pour bien des Français une élection historique, l'un des événements marquants de l'histoire politique de France au 20e siècle. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. À nouveau, François Mitterrand, lors de son discours de la victoire du 10 mai 1981, pour nous parler de l'importance de l'élection présidentielle de mai 1981 en France, situer aussi le contexte qui va permettre à François Mitterrand de devenir président, je reçois Samir Saul, qui est professeur d'histoire de la France et de relations internationales à l'Université de Montréal. Samir Saul, bonjour. Bonjour. L'élection de François Mitterrand, c'est vrai que ça reste, Samir Saul, pour beaucoup de Français, aujourd'hui encore, une élection historique. Pourquoi? L'élection de François Mitterrand en 81 est un tournant dans l'histoire de la France parce que on tourne la page sur la période gaullienne. On entame la période post-gaullienne à partir de 1981. Donc il y a un vrai changement. Un changement politique. C'est-à-dire que la majorité jusque-là était d'abord gaullienne de 58 à 74. Et à partir de 1974, elle a été quasi-gaullienne parce que Valéry Giscard d'Estaing était un associé, un allié de Gaulle et des gaullistes, même si l'alliance a souvent été très, très conflictuelle. Mais on était toujours dans le gaullisme jusqu'en 1981. Ouais. À partir de 1981, les écartés du pouvoir, ceux qui avaient perdu le plus, c'est-à-dire les groupements de socialistes, anciens SFIO, etc., sont les grands perdants de la naissance de la Ve République. La 4e République est plutôt leur milieu le plus normal. Et après 58, ils sont un peu dans le désert. Ouais. Et Mitterrand, encore plus que les autres, parce qu'il a condamné vertement l'arrivée de Gaulle au pouvoir en 58. Il s'oppose à ça. Ça dit tout, en fait. Quand de Gaulle est rappelé au pouvoir en 58, Mitterrand s'oppose à ce rappel de Gaulle. Tout à fait. Il considère que c'est un coup d'État. C'est un coup d'État qu'il faut condamner, parce que c'est un partisan d'une république parlementaire et non pas présidentielle. Donc, changement de fréquence sur le plan politique avec cette élection de François Mitterrand en 1981. On reviendra au contexte de l'élection présidentielle, mais un mot d'abord pour parler du contexte politique et économique de l'époque. Où en est cette France, politiquement et économiquement, au moment de l'élection de François Mitterrand en 1981? Commençons par l'économie. Comment se porte cette économie française en 1981, Samir Saul? Elle se porte mal. Et c'est là où, je pense, la raison profonde de la volonté de changement, c'est le problème économique qui s'installe et qui se manifeste en France de plus en plus, d'une manière de plus en plus aiguë. On termine en France la phase de la croissance. La France est dans une phase de croissance économique de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 70. Ce sont ce qu'on appelle les 30 glorieuses, où la France a des taux de croissance remarquables. C'est un pays qui s'est modernisé très rapidement. Mais à partir du début des années 70, la France entre dans la crise économique. Cette crise économique, qui est celle des autres pays aussi, mais qui est très intense en France. parce que l'État et l'économie est fondée sur l'intervention de l'État dans l'économie, fondée sur l'industrialisation lourde, et ce sont là des secteurs qui sont durement touchés par la crise économique. Alors, le chômage est le grand facteur. Il faut comprendre, Mitterrand remporte l'élection parce que le chômage monte en flèche. Oui. À la veille de l'élection de 81, on frôle les 2 millions de chômeurs. L'inflation est à 14% environ. Donc la situation est très, très sérieuse. Et Valéry Giscard d'Estaing a tenté de combattre la crise, mais sans succès. Oui, parce que sur le plan politique, cette France de 81, c'est depuis 7 ans, il complète un septennat, c'est la France de Valéry Giscard d'Estaing. Quel bilan on peut faire de ce septennat de Giscard? Bon, c'est un bilan qui, au départ, est positif en matière de changements sociétaux, mais qui est un échec sur le plan économique. Et c'est là pourquoi il est battu en 81, parce que la crise économique n'est pas surmontée, n'est pas jugulée. Ouais. Mais sur le plan, disons, sociétal, au début de sa présidence en 74, il y a introduction de diverses réformes résultant de mai 68, résultant des volontés de libération ou de libéralisation des mœurs en France, par exemple. Réformes progressistes, le divorce, l'avortement, ces lois-là sont adoptées sous Giscard. Tout à fait. Giscard pratique ce qu'il appelle le libéralisme avancé. Ouais. Il veut une société moderne, non pas socialiste, mais moderne. Il essaie d'introduire donc des changements qui sont en phase avec l'époque. En même temps, il y aura, puis on y reviendra parce que ça sera important pour la campagne présidentielle de 81, mais dès ce septennat de Valéry Giscard d'Estaing, ça tiraille à droite. Il perdra son premier ministre assez rapidement, Jacques Chirac. Il y a une droite qui est divisée. On y reviendra parce que ça va jouer dans la campagne présidentielle. Mais un petit mot quand même avant de replonger dans cette campagne de 81. Un petit mot sur ce personnage, François Mitterrand. Comment résumer son parcours, la personnalité de cet homme-là? François Mitterrand est un phénix. Et c'est un phénix qui est décédé de nombreuses fois et qui est ressuscité. Il a le talent de renaître de ses cendres, absolument remarquable. François Mitterrand s'est opposé à la naissance de la Ve République, donc en 58. Donc, il est dans le désert politique. Il est mort politiquement. En même temps, vieux routier, ministre depuis les années 40, mais après cette traversée du désert à partir de 58. C'est ça. C'est que il est tellement identifié à la 4e République qu'il est exactement le genre de politicien qu'on ne veut pas sous la 5e. Ouais. Il est donc dans le désert. Il n'a aucune voix au chapitre. Il est complètement discrédité. Jusqu'en 1965. Là, il y a l'élection présidentielle pour la première fois, une élection au suffrage universel. De Gaulle se présente. De Gaulle semble imbattable. Il a tous les atouts. Et le seul qui se présente contre lui, véritablement, c'est Mitterrand. Il le fait, il va au casse-pipe. C'est suicidaire. Mais il n'a rien à perdre. Parce qu'il est mort, de toute façon. C'est un cadavre politique. Et il se présente en 65, et grande surprise, il a un bon score. Il envoie De Gaulle au ballottage, donc un deuxième tour. Et au deuxième tour, il fait un score de 45%, qui n'est pas mauvais du tout. On s'en rend compte que De Gaulle a des opposants et que Mitterrand pourrait être le porte-parole. Alors, il a de l'espoir jusqu'en mai 68. En mai 68, il commet une gaffe. Il déclare que le pouvoir est vacant, qu'il est prêt à devenir président, alors que le pouvoir n'était pas vacant. Ouais. Ça a l'air d'être un coup d'État, une tentative de profiter du soulèvement de mai 68. Il est donc à nouveau dans le désert. Et il attend son heure. Il attend son heure pour reprendre la voie politique. Et son espoir, c'est de réunir les groupements socialistes. Il n'y a pas de parti socialiste encore. Ouais. C'est de réunir les clubs, former un parti et surtout s'entendre avec les communistes. Avoir le front de gauche. Parce qu'il faut comprendre que les communistes sont la partie la plus importante de la gauche. Ouais. 25% du score, 25% du vote. Ouais. Il n'a aucune chance de devenir président s'il n'a pas l'appui des communistes. Donc il y a un front de gauche qui se fait avec Mitterrand en 73. En 72. C'est le programme commun basé sur des nationalisations où les deux essaient d'utiliser l'autre. Chacun des partis essaie de profiter de l'alliance. Mitterrand a besoin du score des votes communistes et les communistes ont besoin de lui pour accéder à la présidence et avoir un président qui est favorable. Et là, en 72, il y a le programme commun, mais la suite est un peu plus compliquée parce qu'en 74, il est battu devant Valéry Giscard d'Estaing. À la présidentielle. À la présidentielle. Et la suite, alors, est une suite de tiraillements avec le Parti communiste. Parce que le Parti communiste se rend compte qu'il est en train de perdre ses votes communistes au profit du Parti socialiste, au profit de François Mitterrand. Ouais. Alors, le Parti communiste est mécontent, essaie donc de tirer l'alliance de son côté. Et elle se brise donc à la veille des législatives de 78. Voilà, donc ce front de gauche éclate à la veille de ces législatives de 78. Ça nous amène à cette campagne présidentielle de 81. On y revient. Comment ça se présente au début de la campagne? Qui sont les forces en présence, Samir Sol? Ce sont des forces qu'on appelle la droite et la gauche. Alors qu'en fait, il y a autant de tensions dans la droite, au sein de la droite, au sein de la gauche, qu'entre la droite et la gauche. La droite, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui se présente de nouveau, mais il a dans les pattes Jacques Chirac. Mm-hmm. Jacques Chirac, qui est un gaulliste, supporte mal l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing, qui n'est pas considéré comme un vrai gaulliste associé du gaullisme. Donc il y a des tensions très sérieuses. Il est contesté par Chirac. Ouais. Alors qu'à gauche, il y a aussi les mêmes tensions, parce que le Parti communiste est très inquiet de perdre son électorat au profit de Mitterrand. Mitterrand veut exactement cela. Il s'est allié aux communistes exprès pour leur enlever leur électorat. Ouais. Et réussi. Et de fait, ça c'est vraiment la donne au départ de cette campagne présidentielle. Deux duels, le duel de droite entre Giscard et Chirac, le duel de gauche entre Mitterrand et Marchais, qui est au Parti communiste français. Comment les différents candidats, dans ce contexte-là, vont-ils se démarquer l'un de l'autre? Sur quoi feront-ils campagne aussi? On écoute un extrait d'un célèbre discours de François Mitterrand à Toulouse, le 25 avril 1981. C'est la veille du premier tour de l'élection présidentielle de 81. J'affirme, et j'affirmerai hautement jusqu'à mon dernier souffle, que moi, je suis un homme libre. Il n'est personne au monde, aucune force, aucune puissance qui pèse sur ma décision. Ni à l'Est, ni à l'Ouest, ni Moscou, ni Washington, ni Bonn, ni personne, aucune force à l'intérieur, ni les forces de l'argent dont je me moque, ni le grand capital, ni les multinationales, ni les lobbies, ni les coalitions, aucune puissance au monde ne me fera jamais vous dire autre chose que ce que je pense. À bientôt pour la France, à bientôt pour la République, à bientôt pour la victoire. Discours devenu célèbre, donc la veille du premier tour en avril 81. Comment interpréter ce qu'on vient d'entendre, Samir Sol, et quel genre de campagne fera Mitterrand dans cette élection présidentielle? Bon, c'est un discours très emphatique. Il parle de choses qui ne sont pas vraiment ce dont il parle. Il parle là de l'international, Moscou, Washington, etc. Je suis un homme libre, dit-il. Ce qu'il veut dire à l'électorat français, c'est qu'il n'est pas redevable au Parti communiste. Oui. Et c'est cela, la stratégie de Mitterrand, c'est de rassurer qu'il n'est pas l'homme des communistes. Parce qu'entre-temps, Valéry Giscard d'Estaing est en train de dire « mais il est l'otage des communistes, on va avoir les communistes au pouvoir ». Alors lui a besoin de rassurer l'électorat pour leur dire que c'est lui qui est le maître et pas les communistes. La gauche responsable, il y aura cette notion aussi, je pense que c'est leur slogan, la force tranquille, rassurer l'électorat français. Rassurer la force, le changement dans la tranquillité. C'est cette idée-là, la force tranquille, il va y avoir du changement, donc il est le promoteur du changement, mais un changement tranquille, dans la force, il sera la force tranquille. Ouais. Et ça c'est très important, parce que tant que l'électorat craindra que les communistes seront très importants dans la coalition, il risque de ne pas voter pour Mitterrand. Et Mitterrand va gagner son pari. Au premier tour, il va dépasser le Parti communiste. Il va dépasser Marchais. Et ça, c'est très important, parce qu'en dépassant Marchais, il obtient alors l'appui des centristes, des abstentionnistes, qui avaient peur de voter pour lui en pensant qu'il allait être l'otage de Marchais. Et en fait, les communistes s'effondrent. Jamais ils n'ont eu un si bas. C'est 15%? 15%. Oui, un score vraiment très, très, très bas. Donc, premier tour, Mitterrand qui fait très bien, mais qui est quand même deuxième, avec 26% des voix. C'est Giscard qui est premier avec 28%. Mais évidemment, Mitterrand va réussir à doubler Giscard au deuxième tour. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux tours, Samir Sol? Parce que le report des voix de gauche va bien se faire en faveur de Mitterrand, alors que le report des voix de droite ne se fera pas aussi bien en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. En fait, il y a même... Est-ce qu'on peut parler de sabotage? Moi, j'ai, en préparant cette émission, je lisais une anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, où Valéry Giscard d'Estaing, entre les deux tours, appelle à la centrale de Jacques Chirac, met un mouchoir sur le téléphone pour parler et dire « Je suis un militant, pour qui dois-je voter? » Et on lui dit « Mais vous votez pour Mitterrand. » C'est peut-être une histoire apocryphe, mais elle n'est pas complètement dénuée de sens. Parce qu'il y a eu des gens de droite, que j'étais en France à cette époque, étudiant, et je sais que des gens de droite ont voté pour Mitterrand. Ouais. Tellement Giscard provoquait une répugnance à la fin. C'est un pouvoir usé, surtout hautain. J'ai connu des employés, des gens qui travaillaient dans une banque, qui m'ont dit « mais ils nous méprisent, ouais. On n'accepte pas cela ». Il y a donc une envie de changer face à ce pouvoir usé dont vous parlez, ce qui nous mène au débat de l'entre-deux-tours, le débat entre les deux candidats à la présidentielle. C'est toujours un moment important dans une campagne présidentielle et il y aura au cours de ce débat un échange qui va devenir célèbre entre Valéry Giscard d'Estaing, qu'on entend d'abord, et puis écoutez la réponse que lui fait François Mitterrand. Vous me faites penser au mot de Rivarol. C'est un terrible avantage de n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser. En effet, vous gérez le ministère de la parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Donc, ne recherchons pas les citations du passé dans lesquelles vous vous complaisez. J'ai proposé un programme pour l'emploi. Critiquez-le, mais nous ne jouons pas à ce petit jeu des citations. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Vous m'avez reproché d'avoir exercé une sorte de ministère de la parole. Mais moi, j'étais dans l'opposition. J'ai rempli mon rôle démocratiquement dans l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et l'opposition, ce n'est pas rien dans une république. J'ajoute que j'ai utilisé ce temps pour faire avec d'autres un grand parti qui est devenu un parti menaçant pour la majorité presque ancienne que vous représentez aujourd'hui. Donc j'ai pas perdu mon temps, et si je pouvais faire pour la France demain, à la mesure de la France, bien entendu, ce que j'ai pu faire pour le socialisme en France, ma foi, ce ne serait pas perdu. François Mitterrand, à Saint-Mirsol, dans cet extrait qu'on vient d'entendre, désigne Valéry Giscard d'Estaing comme l'homme du passif. Quel poids ça aura, cette formule assassine, mais plus largement ce que ça veut dire dans le résultat de l'élection de 81? Bon, Valéry Giscard d'Estaing, d'abord, critique Mitterrand sur la faiblesse de Mitterrand. Mitterrand est largement considéré comme un représentant de la 4e République. Ouais. Il a essayé de se recycler, de se réinventer. Et qui n'a pas gouverné sous la 5e. Il a gouverné beaucoup sous la 4e, ouais. Mais pas sous la 5e. Donc, Valéry Giscard d'Estaing revient à une critique de Mitterrand qui est classique, qui est répandue en France. Mitterrand réplique en rappelant le bilan de Valéry Giscard d'Estaing. Et le bilan, c'est la crise économique. C'est l'inaptitude à résoudre le problème économique, à résoudre la question du chômage. Mitterrand est élu en 81 parce que le chômage monte en flèche. Et le Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, son Premier ministre, n'arrivait pas à résoudre ce problème. Ouais. Donc l'idée du passif, c'est le bilan. Ouais. Hein, le bilan est mauvais pour Valéry Giscard d'Estaing. Donc il a touché directement dans la faiblesse du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, pour revenir à ce que vous disiez, donc un passif économique désastreux, la volonté de changement, Mitterrand qui devient fréquentable puisqu'il n'est plus tout près des communistes, et ça donne le résultat qui suit. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2ION et Welbull, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. M. François Mitterrand est élu ce soir président de la République. Mais naturellement, la première chose à dire, c'est que l'élection de François Mitterrand est un tournant dans l'histoire de la Ve République. C'est un tournant puisque c'est la première fois depuis 23 ans que la gauche gagne une élection nationale dans ce pays. Et c'est donc quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Extrait de la soirée électorale présentée à Antenne 2 le 10 mai 1981. À la fin de l'extrait, on entend le journaliste politique Alain Duhamel parler de ce fameux retour de la gauche au pouvoir. Qu'est-ce que ça représente, Saint-Mirsol, cette élection de François Mitterrand en 1981 pour la France? C'est la première fois que les gaullistes ou apparentés ne sont plus au pouvoir. Ça, c'est un. Deux, c'est une tentative de sortir de la crise économique en utilisant les moyens keynésiens. Ça, c'est le programme de François Mitterrand de la gauche. Le programme, c'est des nationalisations, le relèvement du salaire minimum, la création ou l'accent sur le marché national, de manière à stimuler la production, de manière à investir davantage. Le grand problème des années 70, c'est qu'il y a eu peu d'investissements productifs. Alors, pour obtenir l'investissement, il fallait nationaliser. Donc, il arrive à un programme qui ressemble à celui du New Deal, qui ressemble à celui de la libération de 45-46. C'est les méthodes éprouvées en France, les méthodes qui avaient réussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans l'espoir de sortir de la crise économique. Donc Mitterrand est porteur d'un espoir. Oui. Un espoir économique d'abord, hein, pour mettre fin à la stagnation économique, aux difficultés économiques, et politique aussi, parce que ça montrait que l'alternance, le mot alternance est très important, était possible sous la Ve République. Mais ça ne durera pas, évidemment. On reviendra assez vite à des méthodes davantage pratiquées à droite. Il y aura des gouvernements de cohabitation. Si on regarde un peu ces deux septennats, il sera là 14 ans, François Mitterrand, et l'austérité sera au rendez-vous aussi. Exactement. Et c'est là le drame. C'est là le drame de cette élection. C'est que dès la fin de 81, on se rend compte que ces formules n'obtiennent pas les résultats voulus. Et en 83, Mitterrand les abandonne. Mitterrand fait un virage néolibéral dès 1983. Donc, on a ce président dit socialiste qui va introduire le néolibéralisme en France et qui va être la politique de tous les gouvernements qui vont suivre, de 83 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'espoir se réduit à rien dès les débuts des années 80. Et ça, c'est le drame de la France, c'est qu'elle n'a plus de perspective claire sur les choix à faire. Autrefois, il y avait la droite et la gauche. L'élection de Mitterrand émousse cette opposition droite-gauche, parce que finalement, tous les gouvernements font la même politique. Il reste qu'aujourd'hui, dans la mémoire collective française, il y a encore une aura autour de François Mitterrand. Peut-être que, puis on termine là-dessus, que ça tient davantage au personnage et à l'héritage, les grands travaux de Mitterrand, par exemple, ce qu'il laissera à la France, non? En fait, l'attraction ou l'intérêt pour Mitterrand était l'intérêt pour un personnage romanesque. C'est un personnage compliqué, très habile, cynique, certains pensent sans principe, mais certainement capable de se renouveler, capable de renaître. C'est quelqu'un qui rebondit. Il est capable aussi de saisir les occasions que ses rivaux ne prenaient pas le risque. Il risquait. Il a donc réussi son épopée personnelle. Mais pour la France, le changement n'est pas aussi positif qu'on le pense. Le changement, c'est la soumission, finalement, aux lois du marché. Samir Sol, professeur d'histoire de la France et des relations internationales à l'Université de Montréal, merci infiniment d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.